de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. .3 Fréquence Paris, pluriel, vous écoutez La Jungle des Luttes, le programme proposé par le Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte. Merci de nous écouter, comme tous les troisièmes lundis du mois, de 19h à 20h30, et retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30. Et donc, vous pouvez éventuellement nous écouter, comme je le dis à chaque fois, sur le blog La Jungle des Luttes. Il y a toutes nos émissions avec un gros retard, 2017-2018. Mais bon, on avait des émissions super sympas, donc ça vaut parfois le coup de les réécouter si vous en avez envie. Donc, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas propose un programme plutôt justement croisement des luttes avec des modes différents, tous allant dans le sens d'une possibilité d'un autre monde, de l'émancipation, de la liberté, de la tolérance et la possibilité en tous les cas de voir et de frayer un autre chemin que ce monde-là dans lequel on baigne, ce monde capitaliste, ce système qui écrase les peuples, les personnes, etc., etc. Et donc on aime bien avoir des différents invités. Et donc aujourd'hui, on est avec des copines d'un centre social, le Relais 59, qui est dans le 12e à Paris. Donc, centre social, parce qu'il y a une mission émancipatrice du centre social et une certaine liberté qui peut se créer des groupes, des activités, des projets avec et non pas pour les habitants du quartier en question. En tous les cas, c'est la mission première. Enfin, Nora l'expliquera beaucoup mieux puisque ça fait 15 ans qu'elle est animatrice dans ce centre social. Et elle nous racontera un peu ce que c'est un centre social, ce qu'elle fait là-bas au Relais 59 avec tous les autres camarades du centre. Et elle est avec une jeune fille, Salim Matou, qui est partie prenante d'un projet. Et donc, elles vont nous raconter un peu cette histoire de projet. Et notamment, on tenait aussi à vous en parler, puisque s'il y a des personnes qui sont volontaires pour soutenir la réalisation de ce projet, l'appel à financement est encore ouvert pendant quelques jours. Donc, on ne sait jamais. La solidarité, ça peut marcher. Et on aura ensuite, à l'occasion mercredi dernier, d'une soirée organisée par le CSPCL. Donc, on a mercredi dernier à la CNT, dans les locaux de la CNT, qu'on remercie au passage pour nous accueillir régulièrement et en tous les cas depuis toujours pour nos assemblées ouvertes, c'est-à-dire depuis 1995. Donc, ça fait déjà 23 ans. On les remercie. Et donc, mercredi dernier, on était dans les locaux de la CNT. On avait invité le public, ceux qui voulaient, pour la présentation du livre « Pistes apatistes » qui relate les interventions des apatistes faites lors d'un séminaire contre le capitalisme et pour la pensée critique. Donc, à cette occasion, on a eu des copains de Notre-Dame-des-Landes qui étaient là pour nous parler de ce qu'il en était. De Jérôme Bachet qui a pu aussi nous présenter ce qu'avait été ce séminaire proposé par les apatistes en décembre 2015. Et ensuite, une prise de parole également de Rocio qui était allée, elle, à la rencontre des femmes le 8 mars dernier au Mexique et avait pu participer, on vous en a déjà parlé, à cette superbe rencontre des femmes du monde en résistance avec des milliers de femmes réunies pendant 3 jours pour partager leurs luttes, leurs désirs, leurs envies, leur art, leur chaleur et tout. Et tout ça dans une optique de lutte anticapitaliste et donc aussi antipatriarcale avec tout ce croisement de lutte qui doit se mettre à jour au fur et à mesure du temps. Et les apatistes ont eu l'occasion de proposer plusieurs événements. Et donc voilà, entre le séminaire de la pensée critique en décembre 2015 et puis la rencontre entre les femmes, tout ça en passant par Notre-Dame-des-Landes ou alors des initiatives qu'il peut y avoir au niveau très local dans des petits centres sociaux. Voilà, on peut se dire qu'il y a une petite lumière partout dans tous les coins du monde pour nous dire que voilà, un autre monde est possible, ou qu'en tous les cas, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, on va laisser la parole aux filles du Relais 59, Salim Atou comme participante du centre, et puis Nora, animatrice. Et avant, on fait une petite pause musicale, choisie justement par Salim Atou. Musique. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado. Tres días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía. Tiene el hospital. Estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. FPP, la jungle des luttes, programme proposé par le CSPCL. On est avec Nora et Salim Atou pour qu'elles nous racontent un peu l'aventure du Relais 59. Bon, à travers un projet évidemment, et on ne pourra pas embraser toutes les activités du centre, mais on vous laisse la parole. Et toi déjà, Nora, si tu veux bien nous raconter un peu ce que c'est un centre social, puisque finalement peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Alors, ben déjà, bonsoir tout le monde. Alors oui, un centre social. Alors oui, je vais vous expliquer un petit peu l'historique, dans quel contexte les centres sociaux ont été créés. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au début du XXe siècle, donc, il y a les œuvres sociales. Et en fait, ces œuvres sociales, à un moment donné, se sont dit que c'était peut-être bien que les ouvriers s'unissent et créent des solidarités pour s'en sortir. Donc là, on commence vraiment à être dans une logique de pas faire pour, mais d'amener les gens à être acteurs aussi de leurs solutions. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que à partir de 1945, l'État en fait a commencé à s'investir dans ce développement en fait des centres sociaux. Et donc forcément, qui dit investissement de l'État dit financement aussi. Donc forcément, les centres sociaux se sont démultipliés. Et au niveau départemental, les centres sociaux ont commencé à se fédérer. Et c'est dans les années 70 que la caisse d'allocation familiale en fait, a étendu ses prestations de services aux centres sociaux. Donc, ce qu'a fait la caisse d'allocation familiale, c'est qu'elle a mis en place un agrément centre social qui permet d'obtenir des financements. Donc, pour à l'heure actuelle, pour devenir centre social, il faut répondre à un cahier des charges qui est proposé par la caisse d'allocation familiale. Et ensuite, eh bien, si on y répond, la caisse d'allocation familiale délivre un agrément pour un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Alors, tout dépend en fait de l'âge du centre en question. Alors ensuite, forcément, le fait d'obtenir cet agrément, ça a obligé les centres sociaux à se professionnaliser. Donc là, on commence à être plus dans des logiques d'embauche de personnes, d'animateurs ou de professionnels du social. Et aussi, il y a tout un travail qui se fait autour de la création d'une charte qui est vraiment commune aux centres sociaux de France. Alors cette charte, en fait, elle met en avant trois valeurs fondatrices, trois valeurs super importantes. C'est la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Et donc, c'est vraiment les bases, les fondations des centres sociaux. C'est-à-dire que c'est vraiment notre fer de lance. C'est vraiment les trois idées que l'on met vraiment en avant, quel que soit le projet que l'on développe. Alors, à l'heure actuelle, en 2018, donc un centre social, c'est vraiment un lieu d'initiative. C'est un lieu pour permettre aux habitants de développer leurs propres projets. On n'est pas là pour monter des projets et proposer des projets clés en main, mais on est vraiment à l'écoute des habitants. Et à partir en fait, de cette écoute, on va, dans un premier temps, amener les gens à prendre conscience de leur capacité d'être acteurs de leurs propres solutions. Et ensuite, on les accompagne dans la réalisation de ces solutions. Donc ça, c'est vraiment la mission première d'un centre social. Ce n'est pas du tout d'être prestataire d'activités et de services, mais c'est avant tout de mettre en avant les capacités des personnes et leur montrer qu'elles sont en capacité de faire. Et donc, de gagner aussi en autonomie et de s'émanciper. Alors évidemment, à côté de ça, on propose des actions, des activités. Mais je dirais que ces activités, elles reflètent aussi, elles répondent à des besoins qui ont été diagnostiqués, qui ont été repérés. Alors ça peut être des besoins clairement exprimés par les habitants ou des besoins constatés. Tout à l'heure, je vous disais donc que pour être centre social, il fallait avoir un agrément. Et pour obtenir cet agrément, donc il faut rédiger un projet. Mais ce projet, on le rédige avec les habitants. Et aussi, non seulement il faut rédiger un projet, mais ce projet, il faut qu'il se base sur un diagnostic qui est réalisé donc en prenant en compte on sollicite en fait les habitants pour réaliser ce diagnostic, pardon. Et puis aussi, on fait appel aussi aux partenaires, aux structures partenaires qui, elles aussi, ont un regard sur le quartier. Et puis également, les diagnostics réalisés par la municipalité. Alors, à partir de ces diagnostics et à partir du retour des habitants sur le projet déjà en cours, eh bien, on peut définir des axes de travail. Donc un projet, c'est ça. C'est vraiment pas... il ne s'agit pas dans un projet de dire ce que l'on va faire. Il s'agit surtout de définir des axes qui semblent être importants pour les personnes qui sont habituées du relais, mais également les habitants du quartier. Donc ce qu'il faut savoir aussi, un autre petit détail, c'est qu'un centre social œuvre vraiment sur un territoire défini, donc sur un quartier. Donc nous, en l'occurrence, on est sur le 12e arrondissement de Paris, donc du côté de la gare de Lyon. Et donc, on focalise vraiment sur cet arrondissement parce que c'est notre mission, c'est vraiment d'être local. On est vraiment dans une logique, locale. Alors, pour donner un exemple du type d'action qu'on peut mener, moi, je travaille avec les jeunes, les jeunes et puis les parents, mais pas mal quand même les jeunes. Et donc, depuis un certain temps, on leur dit, mais vous n'avez pas des... Faites-nous part de vos envies, dites-nous ce que vous voulez faire. Et puis, ensemble, on peut réfléchir sur comment développer des actions pour que vous puissiez réaliser vos envies. Et à force de répéter tout ça, un groupe de pré-ados est venu en fait nous dire qu'il aimerait bien aller à Rome. Et alors là, on s'est dit, ok, on va réfléchir. Et c'est comme ça en fait que cette année, 12 jeunes se sont mobilisés pour autofinancer leur voyage à Rome. Donc, le mieux, là, vu que je suis venue avec Sani Matou, qui fait partie de ce projet, le mieux, c'est que je la laisse raconter un petit peu l'histoire de ce projet. Sani Matou, c'est à toi. On a entre 11 et 15 ans. Nous, on connaît le relais 59 parce qu'on va à l'accompagnement scolaire. Quand on était en primaire, on nous demandait souvent ce que nous voulions faire. Et en début d'année, avec 3 copines et ma sœur, on s'est dit qu'on aimerait partir en Europe. Au début, on voulait partir en Espagne, mais on a changé d'avis pour aller à Rome. On en a parlé à Nora et elle a dit d'accord pour réfléchir ensemble à ce projet. Elle en a parlé à d'autres jeunes car en groupe de 4, ce n'était pas suffisant. Nous sommes donc maintenant 12 investis dans ce projet de voyage qui est prévu pour la Toussaint 2018. Ce projet, c'est beaucoup de travail, mais on est content de nous. On a fait beaucoup de choses. On a fait et vendu des gâteaux de Noël et des galettes de roi. On a organisé un repas comme au restaurant. On a participé à un vide-grenier. On a tenu la buvette de l'événement en Slack 12 à Paris dans le 12e arrondissement. On a participé à la rédaction du projet que Nora a envoyé pour obtenir des financements. On a rédigé et lancé un crowdfunding de 3000 euros. On a déjà 1000 euros. Il nous reste 2000 euros à récolter, donc on compte sur les auditeurs pour nous aider. Sur Internet, il faut aller sur vue.fr/destinationroma. vue.fr/destinationroma. On fait aussi du bénévolat auprès des seniors parce que c'est important d'aider les autres si on veut être aidé. On leur explique l'utilisation des smartphones et des tablettes. On va mener d'autres actions comme tenir la buvette d'une grande fête de quartier avec plein de jeux géants, de la musique qui aura lieu samedi 23 juin de 14h30 à 20h sur la place Henri Freinet en sortant de la gare de Lyon. Donc, fais venir, ce sera sympa. On va peut-être faire une autre brocante en septembre. Merci beaucoup pour l'explication. Et est-ce que tu arrives à nous dire comment ça se fait que vous êtes partie à Rome ? Pourquoi vous avez choisi Rome, finalement, puisqu'il y avait plein de destinations ? C'était parce que c'était plus proche. Et en histoire, on travaille sur Rome en ce moment. La Toussaint, c'est le pays où il fait plus chaud. Ouais, ça fait des bonnes raisons, ça. Donc, les auditeurs auront bien compris qu'effectivement, si vous voulez participer au projet réalisé par le groupe de filles du Relais 59. Donc, vous avez quel âge ? Vous allez partir à combien, vous m'avez dit ? 12, 14 ? Non, 12. Vous êtes 4, 12. Avec deux, oui, 14, c'est avec les deux animateurs, ça vous êtes... Oui, parce qu'ils ne vont pas partir seuls. Voilà, c'est ça quand même, l'autonomie, oui. petit à petit ouais, ça se construit. Et donc, du coup, c'est vous qui avez eu l'idée de faire toutes ces initiatives pour les brocantes, les histoires de brocantes, de buvettes. Vous le discutez avec Nora, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Les gâteaux, c'est vous qui les faites, vos parents vous aident. Vous avez tout fait vous-même ou vous êtes aussi... Les parents nous ont un peu aidés pour le repas. Parce qu'on ne pouvait pas faire ça toute seule. Donc, il fallait des personnes qui savent bien cuisiner aussi. Et du coup, ce que vous allez faire à Rome, là, est-ce que vous avez déjà un petit peu préparé le programme du voyage ? On va déjà, le premier jour, on va se reposer. Après, on va visiter des musées, on va y aller à la piscine, on va faire des jeux. Plein de petites, plein d'activités. Super. Merci beaucoup à vous et bravo surtout à vous. Peut-être que vous allez peut-être faire des vidéos là-bas sur place ou des avoir un petit. Alors ouais, là je vais en fait oui, on va alors soit on crée un blog spécial pour pouvoir communiquer en direct avec la famille, les copains. Et... montrer tout ce que l'on va découvrir à Rome. Ou sinon, on fera une page Facebook dédiée à ce voyage. Ce que je voulais rajouter concernant ce voyage, c'est que les jeunes se sont vraiment investis à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que les actions ont vraiment été réfléchies avec eux. On partait vraiment... L'idée, c'était aussi qu'ils apprennent. Donc, c'était tout est parti en fait à base de questions. Voilà, je posais des tas de questions pour les amener en fait à construire ce projet et à construire les actions. Donc, tout ce qui était de l'ordre, la vente des gâteaux, tout ça, c'est pas seulement je vais faire les courses et puis on va faire ça. Non, c'était tout plein de questions sur on a besoin de quoi, mais si on fait des courses, ça veut dire que ça a un coût. Alors, comment, quel prix de vente on va décider pour pouvoir récupérer, avoir des bénéfices. Et faire du bénéfice. Donc, il y avait vraiment. Une aventure avant le voyage, déjà, la construction. En tout cas, une construction. Ils étaient très actifs, en fait, sur cette construction-là. Ils ont également, voilà, comme elle le disait, Salimatou aussi, rédigé le projet. Donc, c'est pas rien. Déjà, le petit texte que tu as rédigé aussi pour le présenter, déjà, voilà. Donc, c'est vraiment Enfin, moi, je suis super contente, en fait, parce que... Parce que bon, évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est ça, c'est humain en fait, c'est vraiment une aventure humaine et ça c'est chouette. Et puis, de voir qu'en fait ça prend forme et qu'on va y aller. Alors, évidemment, on a encore besoin d'une petite aide financière encore, hein, donc je le répète, hein, n'hésitez pas à vous connecter sur vue.fr/destinationroma tout attaché. Parce qu'on a encore besoin de sous. Et comme ça, on pourra vraiment... ils pourront vraiment se payer un super voyage à Rome. Et quand je dis se payer, c'est vraiment se payer. Quoi. C'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, vous pouvez, si, pour ceux qui sont proches du 12e, si vous avez envie de vous rendre à la fête de quartier, c'est le 23, donc c'est peut-être aussi l'occasion du coup de pouvoir éventuellement se rapprocher du projet. Et effectivement, le voyage, je pense que quand on est jeune, c'est important de voyager. On a des fois souvent des envies, on rêve de voyager et c'est pas toujours évident et c'est très important de voyager. On découvre tellement de choses, ça ouvre tellement l'esprit, la tête que au-delà de la découverte, je pense que c'est super important en termes d'apprentissage dans la vie. Ça marque et c'est chouette que vous ayez pu vous mobiliser à force, qu'on vous le répète. C'est très bien d'avoir pu entendre la proposition. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Et on s'excuse parce que le morceau que nous avons passé, ce n'est pas du tout la sélection de Salimatou. Bon, ça aurait été génial qu'on puisse être connectés sur la même musique, un petit peu latino, tout ça, mais c'était pas du tout ça, son registre. Ça lui correspondait pas du tout, donc on est vraiment désolés, mais normalement, en les quittant, on va quand même mettre normalement le vrai bon morceau que Salimatou nous a préparé. Alors, juste pour finir. Ah, bien sûr. Donc, je le répète, hein. N'hésitez pas, même pendant la musique, vue.fr/destinationroma. Et aussi, samedi 23 juin, une méga fête sur la place Henri Freinet, gare de Lyon. Donc, venez avec vos enfants, parce que c'est vraiment une fête familiale avec des grands jeux géants, de la musique, des concerts. N'hésitez pas à venir. Il fera sûrement très, très, très, très beau et très, très, très, très chaud. Voilà. Merci beaucoup, faites un très beau voyage. D'ici là, préparez bien encore tout, hein, puisque c'est qu'à la Toussaint, donc il y a le temps de préparer encore tout ça pour en profiter au maximum. Merci à vous, bonne chance au Relais 59 pour toutes ces autres aventures. Et l'un des vieux centres, d'ailleurs c'est un vieux centre hein, qui a déjà une grande histoire, et plus de 38 ans, du coup c'est une belle maison. Alors, petite musique, cette fois c'est la bonne, on espère, une petite sélection de Salimatou. Et on se retrouve après, évidemment, 106.3 FPP, la jungle des luttes. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe la classe. Si tu veux goûter, faudrait être patient. Ne jamais laisser filer une opportunité quand elle est bonne. J'avoue, je vais la désirer, j'en fais des tonnes et ouais, je bombe. Il me questionne, il demande à ma pote si je suis casé. Hors de question, pas le temps pour ça, non, je vais pas céder. Dis-moi pourquoi tu forces, j'ai mal à la tête, pourquoi tu forces. Dis-moi pourquoi tu forces, t'auras pas mon snap, pourquoi tu forces. Il avait mes formules. J'ai fait comportement que du Nakamura au volant. Jaloux, jaloux, c'est comment. Rise, il va casser les clubs jusqu'au ta main. Bizarrement, maintenant tu veux m'appeler. Mais ça fait un bail que je t'ai bloqué. J'ai croisé mon ex devant l'entrée. Avec mes go dans le VIP, on est posé. Ne jamais laisser filer une opportunité quand elle est bonne. J'avoue, je vais la désirer. J'en fais des tonnes et ouais, je bombe. Il me questionne. Il demande à ma pote si je suis casée. Jungle des luttes, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte en direct jusqu'à 20h30. Je vous en ai parlé en début d'émission. Mercredi dernier, on a organisé une soirée à l'occasion de la sortie de Pistes Apatis qui relate les propositions faites lors du séminaire anticapitaliste proposé par les apatistes en décembre 2015. Donc, à l'occasion de la sortie de ce livre, on a eu l'idée de pouvoir inviter des personnes qui, justement, participent à, d'une façon ou d'une autre à ce processus de construction d'un monde anticapitaliste et pour laisser entrevoir d'autres chemins, d'autres pistes, justement. Et donc, on a invité les copains de Notre-Dame-des-Landes et un copain qui est notamment investi dans l'ambassade, puisqu'il y a beaucoup de lieux à Notre-Dame-des-Landes. Donc, je rappelle que Notre-Dame-des-Landes, au cas où il y a des personnes qui ne seraient pas tout à fait au fait, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est une zone qui a été défendue contre un aéroport en extérieur de Notre-Dame-des-Landes. Donc, ce projet a été abandonné. La résistance continue, puisque l'objectif est donc d'en finir avec les zadistes. Et donc, je leur laisse la parole. Et voilà, ça nous permettra de un peu savoir ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui de cette lutte. 106.3. Sur la zone de Notre-Dame-des-Landes, on a pris l'habitude de ne pas généraliser. Et du coup, je vais vous parler de mon point de vue et je vais essayer de faire un survol un peu rapide de la situation actuelle sur la ZAD de mon point de vue. Et tout en essayant de vous dire un peu les divisions qu'on a au sein du mouvement, de nos collectifs et de nous-mêmes par rapport à notre situation face à l'État aujourd'hui. Du coup, moi, c'est vrai que il y a beaucoup de choses différentes qui nous ont fait converger pour lutter contre ce projet d'aéroport. Les gens, ça fait 46 ans qu'ils luttent contre le projet, et puis petit à petit, il y a des gens qui, depuis 2009, qui ont rejoint cette lutte et qui sont installés sur place. Moi, j'y suis allé une première fois en 2008, j'ai participé aux corrections climat en 2009, je me suis installé en 2011. C'est vrai que pour moi, c'était beaucoup l'inspiration zapatiste de 94 qui m'a amené à faire une analyse en me disant, ouais, il y a une urgence, il y a le cataclysme capitaliste là, qui suit son cours, et qu'il faut qu'on reprenne un peu qu'on reprenne en main notre vie et qu'on essaye d'agir plutôt que de rester fataliste. Et du coup, je me suis aussi dit, par rapport à une analyse sur est-ce que je vais participer à cette révolution aux Amériques, alors que déjà c'est le monde occidental, enfin européen, qui a colonisé ce continent qui est en train de le dévaster. Est-ce que ça a du sens que j'aille lutter là-bas alors qu'ils ont l'air de très bien se débrouiller déjà? Et peut-être que ça a plus de sens de lutter au cœur du système occidental et d'essayer d'ouvrir des brèches, effectivement, ici. J'ai aussi participé au camp Action Climat à Heathrow en 2007 où on avait bloqué la construction d'une troisième piste d'aéroport qui est encore bloquée 10 ans après. Et du coup, quand il y a eu l'idée de faire un camp Action, enfin quand on a entendu parler de ce projet d'aéroport qui sortait des cartons, on a un certain nombre à s'être dit, bah là, il y a un territoire assez grand pour pouvoir reprendre des terres et essayer autre chose, quoi. C'était un pari un peu fou dès le début, qui est toujours un peu fou, mais bon, ça a quand même pris, la mayonnaise a quand même pris, et des gens petit à petit sont venus pour s'installer. Aujourd'hui, on a réussi à arrêter l'aéroport. On ne sait pas si c'est définitif, parce que par exemple, à Tenko, il a été arrêté pendant longtemps, et puis ils ont repris le projet. Donc, on ne sait jamais, en fait, on est face à un tel rouleau compresseur qu'il faut toujours, si c'est pas un aéroport, ça peut être des zones commerciales, ça peut être des hôtels, des ceci, des cela. Du coup, il faut vraiment toujours se dire qu'on est dans une lutte permanente face à ce système qui s'accapare partout, quoi. On a réussi à stopper l'aéroport, mais évidemment, l'État qui est quand même basé sur la propriété, c'est même dans la Constitution française, le droit à la propriété privée, n'allait pas nous laisser impunément squatter 1600 hectares et montrer que c'était possible de vivre mieux en s'organisant collectivement. Donc on s'attendait quand même à ce qu'ils interviennent. On a pensé que, comme en 2012, avec toute la force collective, et aussi surtout la variété de la composition de cette lutte, on allait pouvoir les faire hésiter encore un peu. Enfin, ils ont hésité depuis 2012, je pense parce qu'ils savaient qu'ils étaient confrontés à des associations, à des agriculteurs, à des gens qui étaient prêts à aller au front, à des partis politiques plutôt qui nous soutenaient, toute une diversité comme ça qui faisait qu'ils mettaient un peu en danger leur image en faisant une intervention. Là, on savait qu'en abandonnant le projet d'aéroport, ça allait. Il y a toute une partie des composantes qui luttaient, qui allaient se retirer probablement. Bien que au cours de toutes ces années, on a essayé de tisser des liens et puis de mettre en place une espèce de charte de 6 points en disant continue à vivre ensemble sur ce territoire et à faire des projets ensemble et à le construire et à le cultiver. Effectivement, l'État, dès le début, a réussi à diviser toutes les composantes, jusqu'à nous diviser en même les gens qui habitions sur le terrain par rapport à des stratégies qui n'étaient pas. Enfin, il y a des gens qui voulaient résister dès le début et d'autres qui disaient en fait. Si on n'est pas tous d'accord sur la façon de résister, on va exploser, on ne va pas pouvoir faire tête comme on l'a fait en 2012. Du coup, il faut essayer de se mettre d'accord et de faire des concessions et de voir comment on peut lutter ensemble. Bon, en fait, ça n'a pas marché. On s'est vu assez vite, enfin les gens qui habitent sur le terrain, on a vu assez vite qu'on s'est fait un peu lâcher par certaines composantes. Et du coup, bah, après, il y a plein de gens qui nous soutenaient, donc qui sont venus quand même pendant plusieurs semaines sur le terrain pour venir résister comme ils pouvaient à tour de rôle. Et c'était assez beau en fait de revoir tous les gens qu'on avait côtoyés là, depuis toutes ces années revenir au fil un coup de l'eau. Et après, voilà, quand on s'est aussi rendu compte qu'ils n'étaient pas à armes égales, qu'ils arrivaient à faire à peu près ce qu'ils voulaient et aussi à faire beaucoup de blessés et à détruire. Du coup, ils ont détruit à peu près les deux tiers des habitats illégaux, on va dire. Ils ont laissé tous les habitats en dur et quelques cabanes qui étaient construites sur des endroits où il y avait enfin, il y avait des habitats avant, il y avait un cadastre. Mais voilà, ils nous ont fait une grosse démonstration de force et on n'a pas. Et du coup, on s'est encore divisé avec certaines personnes qui disaient il ne faut rien négocier, on n'obtiendra jamais rien, juste on va vendre notre âme. Ou d'autres qui disaient il vaut mieux faire faire une facette de négociation et puis garder le territoire pour plus tard, quand le système va s'effondrer, on aura toujours un territoire qui se sera organisé sur du long terme. Donc voilà, alors, du coup, il y a des gens qui considèrent que les gens qui ont fait les. Alors on a essayé de présenter 40 projets collectivement en disant c'est une entité commune qui veut gérer ses terres avec toutes les composantes. L'État nous avait déjà dit c'est pas possible, le Larzac, on ne refera pas un Larzac, du coup on veut des projets individuels avec des noms. On a encore essayé de faire passer la pilule, enfin nos projets sous une autre forme, mais en gros ils nous ont dit non, et puis du coup ils ont fait la deuxième phase d'intervention où tous les lieux qui n'avaient pas proposé des projets et qui ne voulaient pas se légaliser se sont fait détruire. Et du coup, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit bon, ben, on va signer puis on verra après. Donc ça a vraiment créé une division, mais même je pense en chacun et chacune de nous, à se dire est-ce qu'on veut vraiment payer des loyers à nos pires ennemis être rentable dans le système. Dans le système agricole actuel, ou est-ce qu'on s'en fout, on ne perd pas notre dignité, on va jusqu'au bout. Donc il y a quand même une quinzaine de projets qui ont été présentés, avec plutôt des noms des individualisés, avec des personnes qui mettaient leur nom, des associations. Et du coup, il y a eu 15 projets qui ont été acceptés, il y en a encore 6 en suspens. Et on est encore dans cette division interne par rapport à ça. Plus d'autres divisions de groupes qui s'entendent pas sur la façon de lutter sur le terrain et qui se font des crasses. Du coup, c'est pour vous dire, c'est un bon bordel comme souvent dans le monde et particulièrement en France avec des gens qui se divisent dans tous les sens. Bon, donc après c'est vrai que la force de l'AZAD c'est peut-être pas d'être prête à résister face au pouvoir de l'État, c'est de construire jour après jour et de montrer que l'opposition elle se fait aussi dans une reconstruction perpétuelle face au pouvoir de destruction. Et c'est ce qu'on essaye de relancer là ces jours-ci. Donc on appelle un nouveau rassemblement. Je vais vous faire passer de la propagande. Du coup, on a appelé ça ZAD Envie. Ça va se passer du 7 au 15 juillet. Vous avez peut-être déjà un peu entendu parler. Alors, il y a des tracts et des affiches à croire. Il y en a d'autres là-bas si vous en avez besoin de plus. Donc l'idée c'est de reprendre un peu les rassemblements qui se faisaient tous les étés au mois de juillet, mais comme ils ont décidé d'annuler le rassemblement parce que la CIPA c'est pareil, ils sont divisés en interne, ils sont en train de se recomposer, Du coup, ils ont décidé d'annuler le rassemblement et nous, on s'est dit on peut pas ne pas faire quelque chose, au moins pour remercier tous les gens qui sont venus nous soutenir et pour relancer la construction de cette lutte avec toutes les personnes qui veulent continuer à construire et à cultiver sur la ZAD. Donc voilà, on est en train d'organiser ça. Ça va être plus en mode autogestionnaire que les autres années. Donc les personnes qui ont des projets et envie de participer, ben, ils peuvent envoyer un email à zadenvie@trizeup.net. Et nous, on essaie d'organiser un peu tout ça sur 8 jours. Voilà, ça c'est un peu le projet pour se remettre un peu de bonnes énergies. Sinon, on a un deuxième rassemblement qui va être celui-là du 27 août au 2 septembre. C'est la deuxième semaine intergalactique qu'on fait sur la ZAD. On en a fait une l'an dernier. C'était à la fin d'un gros chantier où on a commencé à construire l'Ambazada, qui est un projet d'une cabane. En fait, comme le projet d'aéroport, on voulait pas du projet d'aéroport international, on a décidé de faire une base intergalactique à la place et qui soit un lieu pour offrir la ZAD sur les autres luttes qui existent dans le monde et pour faire un peu une base dans un réseau qui pourrait s'appeler la Sexta ou d'autres réseaux qui essayent de se soutenir à distance ou en voyageant à l'intérieur de ce réseau et pour essayer de faire exploser les frontières de l'intérieur, en résumé. Et du coup, le bâtiment, il est plus avancé que sur la photo. Hein. Ça, c'était l'été dernier. Maintenant, il y a les murs, il reste plus qu'à mettre les fenêtres et puis faire les finitions. Donc on relance un projet au mois d'août pendant un mois et à la fin on refait une semaine intergalactique. Il y a le programme un peu qui est en cours de formulation qui est un peu expliqué là dans le processus. Et du coup, on fait un appel aux personnes qui voudraient venir présenter la lutte zapatiste et puis la situation du Mexique. Sociale, des luttes et actuelles, et aussi les perspectives après les élections et puis la candidature de Marichuy et puis ce qui se passe au Mexique. Donc on cherche des intervenantes et des intervenants au début de la semaine intergalactique. Et sinon, une autre envie qui commence à prendre forme, ce serait de faire aussi un rassemblement des femmes sur la ZAD, comme ça s'est passé à Morelia, parce que Rocio, elles vont assez bien le projet. On est quelques personnes à se dire ça pourrait être un beau moment. Donc là, pour le moment, ça pourrait être fin septembre ou à voir, quoi, c'est pas encore vraiment décidé. Donc voilà, c'est un peu les perspectives qu'on a. Et puis après, on verra comment est-ce que ça arrive à se recomposer avec le temps et sur place. Quoi. Et on a toujours les flics qui se baladent, qui viennent détruire les débuts de cabanes qui sont construits. Et puis aussi qui font du maintien de l'ordre quand il y a des barricades qui se refont sur les routes. Et puis on a des drones qui nous survolent. Donc on espère que l'ambiance ne sera pas trop pourrie cet été quand même. Donc merci à notre compas d'être venu partager toutes les informations. Je pense que vous avez noté du 7 au 15 juillet, ZAD en vie. Donc du 7 au 15 juillet, puis le chantier au mois d'août de l'Ambazada, la fin de chantier, et la semaine intergalactique du 27 août au 25 septembre. Donc il y a une adresse comme ça, si vous voulez avoir des infos, c'est y a un site, et donc vous pourrez éventuellement aussi regarder, hein, c'est zad.nadir.org, et donc voilà, vous pouvez être en contact avec eux directement. Et donc, on sera d'ailleurs tout à l'heure, après l'intervention de Rocio mercredi dernier sur la lutte des femmes zapatistes, on aura une autre lutte en France dont on a aussi parlé régulièrement, mais pas souvent, c'est vrai, d'une lutte autour de l'enfouissement des déchets nucléaires. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, puisqu'il s'agit de milliers d'hectares et d'un enfouissement de déchets nucléaires dont on ne connaît pas du tout les conséquences, et on sait que ce n'est que le début. Enfin, la question du déchet et de l'enfouissement des déchets, c'est que le début, on y est confronté. Il n'y a pas beaucoup de solutions. En tous les cas, il y a un front qui est déterminé à Bure, et donc il y a un copain qui nous en parlera tout à l'heure pour la fin d'émission. Et donc on vous invite également à être sur tous les fronts, la suite de Notre-Dame des Landes et aussi à Bure, qui est en plein combat, puisque rien n'est fait encore. Donc une petite pause musicale et on passera avant Bure sur autour des femmes zapatistes et de leur lutte et de leurs propositions. Viva. Marichu y color de la tierra, ti capitalista del corazón. Marichu y color de la tierra, ti capitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Anticapitalista del corazón, Marichu y color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Dans ce livre-là, qui nous a montré que les images, ce n'est pas de décoration, c'est de la pensée. Et si on veut développer une nouvelle pensée, il faut qu'on apprenne à penser autrement. Donc, tous ces beaux travaux que vous savez du CNI, que M. Spessel a fait une énorme effort, je viens de vous montrer, c'est justement ça. C'est une autre façon de montrer les idées. Et donc, depuis déjà ces livres, je trouve qu'il y a une idée de lancer un engagement, soit par les images et soit par la participation des femmes. Parce que les femmes, et surtout les femmes indigènes, ne parlent pas de la même façon que les hommes. Déjà, nous, on ne parle pas non plus de la même façon que les hommes, mais les femmes indigènes, encore moins. Donc, mon idée est de participer un petit peu dans cette présentation des livres par rapport aux femmes, et vu l'idée aussi, parce que si vous savez, sur la question de convoquer les femmes pour qu'elles soient présentes aussi à la salle, bien sûr, mais ça prend un temps d'organisation énorme et l'idée aussi qu'on voit les choses différemment. Comment on participe, la façon de s'organiser entre femmes, c'est différent. Parfois, on doit s'organiser à part et en dehors des espaces des hommes. Et donc, ici, il y a un peu de la jeunesse que je voulais vous dire à partir des contenus des chapitres dédiés à notre lutte en tant que femmes, le chapitre 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie spécifiquement dédiée aux femmes, où on nous a déjà introduit les traductrices, qui ici, ces sujets des écritures, et que finalement, tout ce travail-là, la découverte d'un autre langage, que la traduction n'est pas pour traduire les mots, mais le sens. Donner du sens aux choses et faire connaître des réalités si lointaines pour pouvoir comprendre et au moins imaginer et se poser des questions autrement par rapport au monde d'hiver qui existe dans la planète. Déjà dit par les Indiens aussi de Valamir, que n'est pas du tout une terre, mais c'est une mère terre. Et ça pose déjà des problèmes différents dans la tête par rapport à comment on habite l'espace et pas la terre et pas le territoire. Donc c'est des conceptions différentes de la langue. Mais je crois que par rapport à la SAD, ça c'est terriblement émouvant, en tout cas pour moi, voir qu'il y a toute cette dimension d'imaginaire qui prend place dans un monde où le capitalisme imprègne et donne la maladie que disent les Indiens qu'on va guérir à travers le travail des collectifs, des luttes dans des petits espaces qui sont plusieurs fois inspirés par le sympathisme, mais aussi à l'inverse. Et donc on va soutenir. Et un peu l'idée de présenter ça, c'était aussi pour parler de la généalogie dans les femmes que revient et comment ils ont commencé à participer à l'ECTLN. Et déjà, le premier texte que nous présente ici, c'est la commandante Myriam, qui parle de la conquête des fincas et de la façon dont les hommes et les femmes étaient soumis au grand terrien. La deuxième participation, c'est commandante Rosalinda, qui a participé en mars dernier à la rencontre des femmes, et qui parle de comment avant 1994, quand on a réussi à aller dans la montagne, pour quitter toutes ces histoires de souffrance et de douleur à la conquête et au 19e siècle, quand les fincas se sont formés, les hommes ont reproduit la figure des patrons. Et ils se sont convertis, les patrons de messieurs et les patrons de ces femmes et de ces enfants. Et je vous invite vivement à le lire. La commandante Dalia fait la troisième partie de cet espace dédié à la lutte des femmes. Et elle parle des premières générations en 1994 qui n'ont pas vécu les mêmes problématiques de leur grand-mère et de leur mère. Et donc elle explique que certains entre elles encore ont peur de leur mari, mais que l'organisation des collectifs et de la lutte qui existe déjà et qui existait en clandestinité, qui après 1994 commence à se manifester plus ouvertement entre femmes, leur donne une force particulière parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'elles ont le droit de prendre les mêmes charges que les hommes pour gouverner, pour construire les axes de l'autonomie en l'éducation, la santé, les projets productifs et tous ces projets qui ont à voir avec la vie des communautés sabbatistes. La quatrième cette femme qui participe dans ce recueil et qui participait bien sûr à la rencontre, c'est une base d'appui de une commandante qui s'appelle Lisbeth. Elle est une jeune femme. Elle n'a pas vécu, comme toute sa génération de femmes, les mêmes souffrances de grand-mère, de mère et des autres commandantes qu'on parlait ici. Elles ont dit, nous, on n'avait même pas besoin d'aller chercher le gouvernement pour décider qu'est-ce qu'on allait faire avec notre problématique, parce qu'on a déjà, depuis qu'on est né, notre Junta de Buen Gobierno, notre conseil de bon gouvernement, nos écoles, on s'est éduqué à l'autonomie, donc on est libre, on est content, et le seul problème qu'on a, c'est qu'on continue à avoir une maladie qui s'appelle la honte. Et cette honte, on ne sait pas comment la ôter, mais on se rend compte que quand on travaille ensemble, on l'oublie. Donc, ça, c'est la quatrième partie. La quatrième et la cinquième partie, c'est Escucha Selena. Elle parle justement de la jeunesse qui est tentée par le capitalisme pour s'en aller aux États-Unis acheter des portables, des belles chemises et de toutes les choses que les jeunes à l'âge un peu adolescent, plus grand, ont envie de trouver à travers les envies que la télé et les médias commerciaux leur invitent à posséder. Mais nous, les zapatistes, on n'a pas envie de ça, parce qu'on a beaucoup de travail déjà dans les tâches qu'on a dans la vie quotidienne. Et même si on est pauvre comme eux, mais on ne se sent pas les enfants des riches. Nous, on est les enfants des pauvres. Et on l'assume comme ça. On aime bien travailler la terre, et les enfants qui ne sont pas des terres zapatistes, ils s'aiment plus de tout la terre. Ils s'aiment plus de tout manger ce que nous mangeons. Ils ont changé leurs habitudes, ils s'achètent des choses parce qu'ils pensent que comme ça, ils vont remplir leur vide. Mais en fait, non, ils restent de plus en plus vides. Ça, c'est quelque chose qu'ils disent dans une affirmation très intéressante, que c'est notre culture a changé. Être zapatiste nous donne envie de continuer à être ce que nous sommes. Et donc, on a changé de culture. Voilà, et la cinquième, pardon, la dernière partie que je voulais vous partager, c'est liée aux femmes, mais ce n'est pas une femme qu'elle veut dire. C'est Sud Galliano. Et il parle de la mission de l'Empire. Mais ça, je vous invite aussi vivement à le lire, parce que, comme il dit, et je le cite, c'est un là, dire. Je vais être sincère avec vous. Concernant la petite fille de Felsa Zapatista, je ne peux pas que compartir avec celui ou celle qui sera son époux ou son épouse. Si on ne me demande pas ce qui va venir de cette génération, comment elle fonctionnera, ses désirs, ses défis, son environnement, alors je vous répondrai en imitant le conte de Charles Chiang et je vous dirai. On ne sait pas encore. La seule chose qui me reste à faire est de prévenir Federico que les zapatistes, femmes avec lesquelles il va être en relation dans quelques années, seront très différents et qu'une position défensive ne le fera pas de mal. Nous n'avons pas seulement être battus, mais aussi vaincus. Et si vous voulez me demander de faire un effort et d'essayer de remonter au début de l'origine de cette généalogie terrible et merveilleuse, je vous dirais que l'affaire commença avec les insurgés. Bien sûr, en 1993, avant le second. Ces compagnons-là, qui est dans la montagne ou ailleurs, renonçaient à une vie en famille et avec la famille. Elles préfèrent l'obscurité, l'anonymat et l'ombre, même s'il ne semble émané que d'une seule, même personne, une compagnie et les mots que je veux dire, c'est collectif. Mais si ça vous semble, eh bien, restez bien calé au fond de vos chaises, parce que ça va vous impressionner, car il manque ce qu'il manque. Falta lo que falta. Y siéntense bien, porque no les van a gustar las palabras que les voy a decir. Mais ça, c'est pas moi à les dire. Vous ne allez pas aimer les paroles à la suite. Mais tout ça, peut-être aux hommes, donc asseyez-vous bien, parce qu'elles sont fortes, rudes et brutes. Et je vous invite à les lire après de visionner le film. Et donc, commence ici la réflexion pour se rencontrer entre femmes, mais pas seulement entre femmes, entre jeunes et hommes. C'est un travail que je fais déjà dans le syncrétisme. Et la rencontre de femmes n'est pas comme ça. Dans le texte qui est peut-être difficile pour vous partager après, c'est l'inauguration de la rencontre de femmes. Elles disent qu'elles se sont préparées depuis des années. Mais après 2016 et 2017 particulièrement, elles sont voulues accompagner Maïti, la porte-voix des conseillers indiens du gouvernement, qui était élue en mai 2017. Comme c'est là qu'elle est portée la parole collective de congrès des conseillers indiens du gouvernement, élu par 53 peuples indiens du Mexique pour être candidate aux élections de 2018. Ça, c'est passé comme ça, si vous voulez, après le film, on peut discuter. Déjà, on nous a dit un peu bienvenue, comment ça s'est donné la chose. Mais je vous dis ce qu'elles ont décidé en tant que femmes, c'est qu'on ne va pas participer aux élections, mais les hommes aussi. Et la figure de Maïchoui a dévoilé une réalité pour le Mexique que beaucoup de monde n'était pas capable de la regarder avant. Et donc, cet espace de rencontre de femmes se déroule en soutien à Maïchoui après avoir pas accepté des parties de la. Du système corrompu électoral du Mexique. Mais on en discutera après si vous voulez. Et il s'annonce ça après la rencontre de cette année en avril 2018 contre la commandante Zapatiste et le CDI leur a demandé, leur a dit on sait bien si vous voulez participer, parce qu'il y a quand même des partis politiques qui appelaient Maïchoui, qui disaient oui, elle était la seule. Qui a été honnête, qui est la seule, qui nous convient comme candidate indépendante, c'était le parti politique officiel. Après avoir fait des choses assez semblables pour nous bloquer avec tous les appareils qui étaient des signatures. Mais vous, tout le monde reconnaissait que Maïchoui était une figure qui pouvait avoir et donner un exemple singulière à l'histoire du Mexique, c'est participer à la sélection, mais ils ont décidé qu'ils ne savaient pas le faire. Et la décision était prise en avril 2018, il y a quelques mois, et ça a été quelque chose qui ne signifie pas renoncer à donner continuité au travail des conseillers indiens du gouvernement pour construire un gouvernement d'en bas. Avec la connaissance du peuple indien qui ont existé depuis la conquête jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en fait, qui s'affaire, qu'il faudrait nous apprendre. Au moins, à nous, à pas la modestie de demander comme ils sont prêts à vivre jusqu'à maintenant. Et voilà, donc on va vous partager quelques images de la rencontre des femmes. 3 FPP, la jungle des luttes. Le son n'est pas génial, c'est vrai, on n'est pas super équipé, on n'avait pas tout à fait le bon matos, mais on avait vraiment envie de pouvoir partager ce moment avec vous et donc vous inciter à acheter le livre Pistes Zapatistes, la pensée critique face à l'hydre capitaliste, qui c'est un beau livre d'été. Et donc, on vous invite à le lire et à vous intéresser, si vous le souhaitez, toujours aux Zapatistes qui proposent plein de choses et à toutes les initiatives qui vont autour. Et donc, le CSPCL, on a un site, si vous voulez avoir des informations, comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, c'est cspcl.ouvaton.org. Et on vous invite également le 1er, 3e et 5e mercredi à notre assemblée ouverte à 20h30. Comme je le disais en début d'émission, dans les locaux de la CNT, hein, qui nous invite depuis 25 ans à nous réunir dans ces locaux. Et donc, on vous invite également à nous rejoindre, si vous le souhaitez, au festival de la CNT, où on aura un stand le vendredi soir, samedi et dimanche, c'est-à-dire le 29, 30 juin et 1er juillet. Il y a un programme énorme, comme souvent... comme souvent toujours, avec plusieurs concerts et des débats et des projections et des interventions et des discussions et des tables et des livres, des repas, vous avez de quoi faire sur ce week-end du festival de la CNT le 29-30 juin et le 1er juillet. Donc vous pourrez nous y retrouver si vous voulez. Donc là, on va faire une petite pause musicale. Notre copain, normalement, De Bure, devrait nous appeler et donc pourra nous raconter un peu et le projet pour ceux qui n'ont pas suivi les informations autour de ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires et de la lutte qui est menée dans la région de Bure. Et donc, il nous en parlera et nous donnera un peu l'état de la situation et nous invitera sûrement à se mobiliser, évidemment, puisque... La lutte continue. Il y a déjà des collectifs, des associations qui sont en train de créer une coordination aujourd'hui, sachant que c'est peut-être souvent ce qui manque, c'est-à-dire souvent on disperse les forces. Donc là, cette coordination qui est en train de prendre forme, ça peut encore donner de moyens de résistance. Et donc, on va faire une petite pause musicale et on retrouve tout de suite notre compas de Bure. Una leyenda famosa de un pueblito partidista. Tenían chivos y vacas, ordenados sus riquezas. De repente aparece la hidra sin llenadera. Al bostezar esa hidra suelta un veneno. Destruye la humanidad, la gente con rabia ataca, violento y desordenado. Una mujer aparece, 500 años de historia, un cabal conocimiento, cómo derrotar la hidra, cortar la cabeza madre, incinerar este monstruo. No queda otro organizarse como historia mencionada, rebelarse contra el monstruo, nada imposible en el mundo. Cabeza madre del monstruo es la propiedad privada. De grandes comercios, de los grandes empresarios y los neoliberales. Una mujer aparece, 500 años de historia, un cabal conocimiento, cómo derrotar la hidra, cortar la cabeza madre, incinerar ese monstruo. La jungle des luttes, 106.3, FPP, fréquence Paris Pluriel. Salut, salut, tu es là en ligne. Allô? Oui. Ouais, salut, merci à toi salut. De nous appeler. Bah, c'est moi. Et raconte-nous alors donc, Bure, tout ce que c'est, ce projet, cette lutte, cette résistance. Si je pense que tu... Alors, je peux te laisser direct la parole, Gérard. J'ai annoncé un petit peu avant. C'est toujours compliqué d'expliquer une lutte en un temps restreint, mais je vais m'essayer en quelques minutes quand même pour les grandes lignes. En gros, il y a 20 ans, tu avais la loi en 91 qui était sortie de la loi Bataille, qui disait maintenant pour les déchets, on va essayer d'envisager des centres d'enfouissement de déchets profondément sous terre, donc en vue du démantèlement des centrales, puisque les centrales nucléaires vieillissantes doivent être théoriquement déjà en cours de démantèlement ou d'arrêt pour un certain nombre d'entre elles, mais ont été prolongées. Et donc il fallait en faire quelque chose des déchets issus du futur démantèlement. Donc les cœurs de réacteurs actuels, donc tout ce qui est stocké à la Hague et qui est en train de déborder dans les piscines, plus les centrales démantelées. Et pour ça, ça ne peut pas se mettre n'importe où parce que c'est très fortement irradié et ça a des vies longues, c'est-à-dire la demi-vie, c'est 100 000 ans. Et l'extinction totale de l'irradiation, c'est 1 million d'années, en fait. Donc, c'est un peu compliqué à stocker ce genre de truc ou à envisager où on peut le mettre. Et jusqu'à il y a quelques années, on le jetait tout simplement au fond de la mer, au large des côtes somaliennes, par exemple, ou dans le permafrost sibérien. Et tout ça, c'est plus possible à cause des normes internationales qui ont été resserrées, une vigilance internationale et puis pas mal de lutte écologiste aussi contre ça. Donc là, maintenant, on envisage de le mettre à 500 mètres sous terre. Donc pour ça, il fallait faire des labos pour étudier la possibilité d'enfouissement, officiellement. Dans les années 90, il y a eu 4 labos qui ont émergé, projets de labos qui ont émergé dans 4 sols différents en France sous prétexte de tester ce que ça donnait dans 4 sols différents. Dans 3 endroits, ça a donné lieu à des levées de boucliers énormes. Enfin, ça a refait des plug-offs, c'est peu connu, mais au milieu des années 90, il y a pas mal de lieux où les gens, toute la population, allait caillasser les gendarmes, allait chasser à coups de pierre, les poursuivait les machines, s'installait sur les chantiers jour et nuit et empêchait les chantiers d'avoir lieu. Et en Meuse, y compris. Donc chez nous, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont signé des pétitions, qui se sont mobilisées sur les terrains, qui ont fait des manifestations assez houleuses à Bar-le-Duc et à différents endroits. Mais le rapport de force était insuffisant parce que c'est un département où il y a peu de monde qui vit. Donc ils ont fini par installer leur laboratoire sur quelque chose comme 200 hectares, 100 hectares, un truc comme ça, 100 à 200 hectares au niveau de Bure. Et ça a proliféré tranquillement jusqu'en 2006, 2004, 2006, où il y a eu une espèce d'enquête publique qui a été un peu chahuté avec des mobilisations à nouveau assez importantes, des campements devant le labo, des manifestations, et tout ça pour aboutir à ce qu'on savait déjà dès le départ, que ça serait un futur centre d'enfouissement pour déchets hautement radioactifs à 500 mètres sous terre. Donc ça, à partir de 2006. Donc à partir de là, la lutte a eu un peu un coup de frein pour différentes raisons, externe, interne, et ça a repris un peu de vivacité en 2013 parce que entre temps l'entreprise qui a implanté le labo devait acquérir des centaines d'hectares en plus en vue de construire ce laboratoire, et donc pendant des années à extorquer les terres aux gens autour discrètement, tranquillement, en allant pressuriser un par un les agriculteurs, les possesseurs, les différents propriétaires de terrains, que ce soit des terrains de forêt. Et on fait un échange entre les terrains en disant « bon, ben, on veut votre terrain, on vous l'échange avec un autre terrain de la même surface, avec un tiers du prix en plus ». Donc c'était plutôt avantageux pour les gens, mais c'était surtout présenté sous « prenez ça maintenant ou bien on vous exproprie plus tard et vous aurez rien ». Donc c'est pas vraiment un choix en fait pour les gens. Et donc, ça représente 3000 hectares, c'est ça que tu disais, la surface. Voilà, ils se sont fait une réserve de 3000 hectares, non pas parce que ça va faire 3000 hectares, parce que de fait, ça va faire 300 hectares en surface. Mais non, tout ce qu'il y a autour pour les travaux. La réserve, c'est aussi uniquement pour faire de l'échange. Ouais. Et pour s'assurer qu'ils peuvent échanger des terres entre elles à l'infini, pour avoir, en fonction de l'affinement du projet progressif, parce qu'ils avaient 3 hypothèses d'endroits pour l'enfouissement à 500 mètres sous terre. Parce que, en fait, le laboratoire n'est pas l'endroit qui est à l'aplomb de l'enfouissement. Il est à 2 km du centre d'enfouissement. Donc, il y a un tunnel qui descend sur 500 mètres et 2,5 km pour atteindre les 300 km de galeries prévues pour stocker les déchets. Truc de dingue. 300 km, c'est la longueur du tunnel sous la Manche et c'est la même quantité de terre qui doit être enlevée. Donc, et de béton qui doit être coulé aussi. Donc ça, ça condamne évidemment le village de Bure, les villages alentours, à devenir juste des annexes d'un immense centre de stockage. Donc toute la population locale, petit à petit, il y a eu 10% de population qui s'est barrée en 15 ans. Parce que la plupart des gens sont résignés aujourd'hui. Pas mal de gens ont renoncé, ils ont manifesté massivement à Bar-le-Duc en 94-95, encore en 2000-2001. Et depuis, ils ont fini par se faire... manger le cerveau par l'entreprise qui arrose d'argent. Mais l'entreprise privée ou semi-étatique? Non, elle est publique. Entreprise publique. L'ANDRA, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. C'est une agence publique, financée entièrement par l'argent public. Non, c'est un projet public. Le projet CIGEO d'enfouissement, la poubelle nucléaire, c'est un projet public. Et pour ça, pour aider la population à se décider, c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale, ben ça fait 10 ans qu'on les arrose avec 30 millions d'euros par an pour les deux départements, Meuse et Haute-Marne, parce que c'est exactement à la limite. On leur verse 30 millions d'euros et on fait des nouveaux lampadaires, des salles des fêtes, des piscines. Tout ce que les gens ont besoin et moins besoin, mais on leur met plein de poudre aux yeux et on leur dit, pour leur faire accepter l'idée qu'il y a un projet. C'est comme si la Meuse, c'est assez pauvre, en fait. Beaucoup de c'est sinistré par la désindustrialisation. Et systématiquement, quand on parle de la Meuse, c'est le département de Verdun, quoi. La Première Guerre mondiale. C'est systématiquement présenté comme un terrain sinistré où il n'y a rien à investir et où il n'y a rien à vivre. Et les Meusiens sont les oubliés de l'histoire, quoi. Donc c'est super facile de faire un labo dans des endroits où c'est déjà mort. Ils sont rabaissés, quoi. Donc ils sont habitués à accepter ce qui leur arrive dessus, accepter la Première Guerre mondiale, accepter la désindustrialisation et aujourd'hui accepter le labo. C'est une population qui a été habituée à systématiquement être écrasée, en fait. Et il y a 6 habitants au kilomètre carré, donc Bure, c'est 86 habitants. Donc évidemment, la résistance n'est pas évidente dans des endroits. Ouais, c'est assez désertique, du coup, finalement. Ouais. C'est ça aussi qui pouvait être avantageux, parce que les autres projets, ce n'était pas forcément dans la même région. Non, c'était dans des endroits beaucoup plus peuplés, et c'est pour ça que ça a fonctionné, parce que la résistance était beaucoup plus forte. Ouais. C'était impossible de construire, de faire les premiers travaux. Ici, personne ne pouvait... Enfin, les gens ont résisté, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Ouais. Et nous-mêmes, là, moi, je suis arrivé il y a 3 ans, 3-4 ans, et à l'époque, il y avait la maison de résistance qui a été achetée il y a 12 ans par des antinucléaires convaincus et qui ont investi cette maison et qui l'ont recollectivisée dans le sens où ces deux associations qui en sont propriétaires, le réseau Sortir du Nucléaire à 40% et une collégiale qui est constituée des gens qui gèrent la maison, l'habitent et qui renouvelaient chaque année pour éviter que cette maison elle soit appropriée et qu'elle appartienne constamment à la lutte. Oui, c'est la maison qui accueille les personnes qui viennent en général quand il y a des événements. Et... Donc c'était une maison d'accueil, d'hébergement. Et ça a permis à pas mal de groupes de venir pendant des années dans un endroit où c'était impossible d'accueillir des gens. C'est trop désertique d'un point de vue habitation. Hein. Après, autour, il y a des magnifiques vallées, forêts, etc. On pense toujours que Bure, c'est des champs à perte de vue, mais c'est pas du tout vrai. Il y a un plateau agricole, mais tout autour, c'est des vallées forestières. Il y a énormément de forêts. C'est plutôt beau comme région, mais c'est systématiquement considéré comme une région où il n'y a rien à faire. Mais du coup, heureusement, depuis 2013, c'était là où on était avant de dévier. 2013, il y a eu une reprise justement de résistance d'organisation autour. Ouais. Il y a eu un débat public qui a été chahuté, qui a été empêché. Donc, pour faire valider le projet, le faire accepter. Donc, les gens se sont mobilisés massivement pour empêcher que ça ait lieu. Donc, ils ont investi les halls, les débats et tout. Ça ne pouvait pas avoir lieu. Donc, ils l'ont fait sur Internet. Ils l'ont validé sur Internet, par consultation Internet. Un peu factice, quoi. Et ça leur a suffi pour continuer le projet, l'entériner. Et il n'y a pas si longtemps, donc là, en 2015, on a organisé un campement à un certain nombre de personnes qui venaient de plein d'horizons différents. On a décidé de faire un campement autogéré un peu avant la COP21. Et d'en faire un peu un point d'ancrage pour revisibiliser Bure, parce qu'en 2015, personne ne savait ce que c'était Bure et où c'était Bure, en fait. Et on a fait venir 1500 personnes en 10 jours. Sur le moment, ça a un peu pris son essor. On s'est installé à plusieurs, une dizaine au départ. Et puis, progressivement, au fil des mois, plus de gens sont arrivés. Et d'un coup, l'entreprise, l'ANDRA, a décidé d'investir avec des travaux un bois sur le futur emplacement de l'enfouissement et de raser 7 hectares de forêt d'un coup. Donc là, à ce moment-là, on a décidé d'occuper la forêt assez unanimement entre les opposants. Et pendant un mois, la forêt a été occupée, expulsée, réoccupée. Enfin, ça donnait des manifestations assez importantes. Et en parallèle, on a commencé à mettre en place aussi des attaques juridiques beaucoup plus resserrées. Donc on a lancé une trentaine de procédures en un an et demi contre l'ANDRA. donc ce qu'ils ont appelé une guérilla juridique, ce qui est un terme plutôt qui nous convient bien. Et de l'autre côté, le bois s'est barricadé, pas mal de gens s'y sont installés, donc entre 15 et 30 en permanence, même y compris en hiver. C'est pas très évident parce qu'à moins 15, c'est un peu difficile d'occuper des forêts. Et finalement, on en est arrivé à avoir des manifestations assez importantes l'année dernière, qu'on a attaqué plusieurs fois le laboratoire, qu'on fait tomber toutes les grilles du laboratoire. Et puis, il y a eu une répression très très importante en retour. Perquisition de la maison de résistance avec enfoncement des portes. Un bon nombre de gens, près d'une trentaine, quarantaine en procès en l'espace d'un an. Un escadron de gendarmerie mobile qui est placé en permanence à Bure et alentour, donc qui tourne sur les routes autour. Et devant toutes les maisons, pendant plusieurs mois, il y a eu des camions stationnés devant la maison. De chaque maison qu'on a. Parce qu'au fur et à mesure, on a acquis quand même plusieurs maisons autour. Collectivement ou individuellement, des gens ont acheté des maisons, ont loué des apparts et des maisons. Donc, il y a maintenant près de 6-7 lieux qui sont liés entre eux et qui forment un peu les opposants de terrain. Et du coup, tu disais qu'il y avait aussi d'autres associations. Donc il y a le collectif, puis il y a d'autres associations et vous essayez un peu de vous coordonner justement pour pouvoir faire front. Donc les associations, elles sont implantées un peu partout. Enfin, il y a des associations en Haute-Marne, associations du côté de Bar-le-Duc, à différents endroits. Il y a à peu près 6 ou 7 associations qui sont mobilisées contre le projet CIGEO, qui forment un peu une coordination Stop CIGEO, mais qui est plus un collectif de collectifs, et qui donne lieu régulièrement à une assemblée de lutte qui a lieu tous les 2 mois ou tous les mois et demi à peu près à Bure, qui rassemble beaucoup de gens. Et depuis peu, suite à l'expulsion du Bois-le-Jure, on a appelé aussi à la constitution de beaucoup de comités de soutien en France. Donc on en a eu sur le moment 40-50 qui sont constitués maintenant un peu partout en France et qui ont fait beaucoup d'actions de soutien et d'écho et de solidarité. Et qui maintenant viennent aussi régulièrement pour les plus proches aux assemblées de lutte ou plus ponctuellement sur des événements comme la manifestation qui a eu lieu ce week-end. Ça renforce pas mal, enfin ça déconcentre un peu la lutte à plein d'endroits, c'est assez intéressant ce que ça crée. Une dernière manif donc justement où il y a eu encore des arrestations justement. Oui. Ouais. Et avec des gens qui ont pris très cher aujourd'hui en comparution immédiate, donc il y a eu une quinzaine d'interpellations avec 3 personnes qui sont passées en comparution immédiate aujourd'hui et qui ont pris pour certaines 2 d'entre elles de la prison ferme et ou bien de nombreux mois de sursis pour une 3e personne. Donc là, avec mandat de dépôt, donc elles partent en prison ce soir. Donc là, ça va faire les 6e et 7e personnes qui partent en prison à Bure. Et on peut aider comment à part diffuser l'information? Est-ce que vous avez un site pour se renseigner? Est-ce que vous avez besoin de sous? Est-ce que comment du coup pour essayer d'être solidaire? On a une plateforme qu'on a un peu lancée récemment pour qu'on comprenne mieux qui est quoi dans cette lutte, parce que c'est un peu compliqué avec nos 6 ou 7 sites associatifs, collectifs, etc. Donc on a créé un site stopcigeo-bure.eu et après on a vmc.com qui est plus pour les gens qui luttent sur le terrain. Et on peut retrouver aussi tous les autres liens, donc Burstop, Cédra, Azodedra, etc. Il y en a plein d'autres des associations. On peut les retrouver aussi sur la plateforme que j'ai citée avant. Peut-être que tu peux la redonner, comme ça va vite si des fois on n'est pas prêt à noter. Donc c'est StopCIGEO, tout attaché, stopcigeo-bure.eu. Ça, on trouve les adresses en page principale qui renvoient vers tous les sites et les publications dessus. Il y a un peu les republications de ce que publient tous les autres sites de lutte. Et on peut retrouver un condensé et surtout les actualités aussi des comités. On peut voir un peu ce que font tous les comités de soutien actuellement autour de Bure. Et voilà, ça c'était un peu pour... Et vous avez des dates éventuellement pour inviter des gens à des événements l'été spécifiques ou pas spécialement L'été va être un peu plus calme. Les étés précédents, on a toujours eu des très grosses dates nationales. Là, c'était la date de ce week-end. On a eu à peu près 2000-3000 personnes qui sont venues. C'était, c'est composé comme journée, c'était plutôt chouette. On a eu pas mal de monde. Il y avait une vingtaine de bus qui sont quand même venus de toute la France. Donc là, on va faire un peu plus calme. Voilà, construire, voir venir. Plein de temps. Bon, bah, merci beaucoup de ton intervention. On essaye de rester en lien si tu... et puis on reparlera de Bure. Si tu veux nous repasser des coups de fil régulièrement tous les troisièmes lundis du mois, 19h-20h30, il y a un créneau pour vous pour nous raconter un peu ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est ça, essayer si de... Vous avez des événements de soutien. Voilà, garder le pont. Informez-nous, invitez-nous. Avec plaisir, on va faire ça très Merci vite. Merci à vous. Merci, à bientôt. Salut. À bientôt, ciao. La lucha sigue. Merci. On est sur la fin du programme. Là, on balance le générique. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous réécouter si vous n'avez pas pu avoir toute l'émission jeudi de la quatrième semaine. Donc, pas celle-ci, mais l'autre, le jeudi matin de 8h à 9h30. Voilà, le CSPCL, Comité de solidarité avec le peuple du Chiapas en lutte. On est aussi tous les premiers, troisièmes et cinquièmes mercredis à 20h30, 33 rue des Vignoles dans le 20e à Paris. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci, salut. Caballo.